Mûris par la souffrance, les nègres étaient prêts, de tout temps prêts. On peut même affirmer que dans la société coloniale, ils étaient les seuls vraiment prêts et les seuls vraiment aptes à comprendre en profondeur la révolution. Les nègres de Saint-Domingue, après un temps d'attente, agirent avec une soudaineté et une cohésion impressionnantes. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des milliers d'esclaves se réunirent dans la plaine du Cap, sous la direction d'un des leurs, Bookman, et prêtèrent serment de vivre libre ou de mourir. En quelques jours, des centaines de plantations dans la plaine du Nord furent détruites et leurs maîtres massacrés. Il ne restait aux Blancs que le Cap, hâtivement transformé en camp retranché. C'est en donnant l'assaut à la ville que la révolte subit sa première défaite. Pire, au cours du combat, l'intrépide Bookman tomba, percé de balles. Les colons, eux, donnèrent libre cours à leur haine atroce. Le cadavre fut décapité, le corps brûlé, la tête fichée sur un pieu, lequel fut planté sur la place d'armes du Cap avec cette inscription « Tête de Bookman, chef des révoltés ». Alors, sous les coups de la répression, la révolte connut un moment de flottement. Quant au désarroi, s'ajouta la division. Certains esclaves retournèrent sur leurs plantations, mais beaucoup, voulant fuir à jamais les horreurs du passé, préférèrent s'installer dans des montagnes retranchées. C'est à ce moment de stagnation qu'émergea Toussaint Louverture.